Chapitre 13. En rentrant, le comte avait trouvé Antoinette qui causait paisiblement avec la douairière. Le soir, elle s'était montrée affectueuse et tendre, comme toujours. Il avait préféré ne pas lui parler de son étrange boutade. Quelques jours plus tard, il y eut à Étiole un dîner. Les Blainville et Madame de Breuil, les Lassolais, Madame de Noirval et son fils, les Ligny, Bessège, les Depraille et Jacques. Après le dîner, M. de Prail, qui parcourait le Figaro, dit « Tiens, Sarah Bernard vient jouer à Nancy. Quel bonheur !» s'écria la petite Lassolais. « Quand vient-elle jouer ?»« Le 6 septembre. » Elle s'adressa à son mari. « Gaston, vous irez demain prendre une loge ?»« Oui, mais je ne pourrai pas vous accompagner. »« Et pourquoi ça ?»« Parce que je ne serai pas ici. La chasse ouvre le 6 et je fais l'ouverture dans la Meuse. »« C'est vrai. Alors j'irai avec Monsieur et Madame de Blainville. » « Nous ne serons pas ici non plus, » répondit Madame de Blainville. « Nous partons pour 15 jours. » La petite marquise se tourna vers Madame de Noirval. « Moi, chère madame, je ne vais jamais au théâtre Nancy. »« Moi non plus, » dit Madame de Ligny. « Mais alors, gémit la petite Lassolais, navrée, je ne pourrai donc pas aller à cette représentation ?»« Pourquoi pas, » répondit Madame de Noirval. « Un de ces messieurs vous accompagnera. » Et voyant la mine furibonde de Madame de Blainville, elle ajouta, pour calmer ses inquiétudes, « Bessège, par exemple. »« Ah non !» s'écria en riant la petite marquise. « Ah non, il est trop compromettant, Bessège. » Madame de Blainville regarda son mari, craignant de le voir souffrir, mais il ne broncha pas. « Comment faire ?» demanda la petite femme, désolée à la pensée qu'elle allait manquer cette soirée. « Tenez, » dit Madame de Noirval, « le mieux est de prier Monsieur d'Étiole de vous conduire au théâtre. » Madame d'Étiole vous prêtera bien son mari, car elle n'est pas jalouse pour 2 sous, elle, à la bonne heure. « C'est une idée, ça, » dit la jeune femme, et s'adressant à la comtesse, elle demanda, gentiment câline, « Vous voulez bien, dites, chère madame, me prêter votre mari pour cette petite fête ?»« Il est à vous, » répondit Antoinette en riant. Monsieur Nevrieb la regarda étonné. Sa physionomie souriante, son air tranquille et satisfait, semblait sincère. Mais alors, il se trompait quand il la croyait, préoccupé des allures indépendantes de son mari. « Eh bien, » dit Madame de Lassolais, « voilà qui est convenu. Monsieur d'Étiole, je compte sur vous pour m'accompagner. » Guy s'inclina. « Je suis à vos ordres, madame. » La douairière intervint. « Mais, » dit-elle, « cette représentation a lieu le jour de l'ouverture, et je croyais que tu allais aux Roches. »« Eh bien, je n'irai pas. Avec Jacques, je n'ai pas à me gêner, n'est-ce pas, Jacques ?» « Tu peux bien me rendre ma liberté, certes. »« Mais, » dit la petite Lassolais, « je serais désolé de déranger vos projets. »« Et moi, madame, » s'écria Guy, « je suis ravi de les déranger pour vous. »« D'ailleurs, je chasserai jusqu'à 4 ou 5 heures. »« J'entrerai à Étiole seulement pour m'habiller et dîner. »« Non, vous viendrez dîner à Lassolais. Nous dînerons plus tôt. Il faut 1 heure pour aller à Nancy. »« Et si vous laissiez d'Étiole dîner paisiblement chez lui ?» insinua doucement Monsieur de Lassolais. « Ce serait infiniment mieux. »« Pourquoi donc ça ?»« Mais parce qu'il éviterait ainsi de lieux inutiles et que... »« Et que je serais plus tranquille. » acheva Monsieur de Bièvre à demi-voix. « Pauvre Gaston, bas. » Et du mari, qu'il devinait inquiet, ses yeux allèrent à Antoinette qui continuait à paraître absolument rassurée. Elle allait et venait dans le grand salon, offrant des liqueurs et des cigares, et lançait dans sa robe blanche, toute fine et droite comme une tige de fleurs. Et le regard dont il l'enveloppait était si caressant et si chaud qu'elle en fut frappée et, s'approchant de lui, elle lui dit très bas, reconnaissante et affectueuse, « Merci, vous êtes très bon. » Troublé, il balbutia, « Bon, moi ? » ?»« Oui, et je vous demande pardon d'être ingrate, ou du moins de vous paraître telle. » Se tournant vers Bessège qui s'approchait, elle lui tendit la boîte de cigares. « Cigare ou cigarette ?» Il s'inclina. « Je vous remercie, comtesse, je ne fume pas. » Elle le toisa avec une involontaire impertinence, une sorte de mépris doux et compatissant. « C'est vrai, vous ne devez pas avoir de défaut, vous. » Cet être nul et joli lui inspirait une répulsion extrême. Bessège s'inclina de nouveau. Il n'avait pas compris. Trop habitué à plaire pour se rendre compte que Madame d'Étiole éprouvait pour lui une réelle antipathie, il s'exposait continuellement à être rabroué par elle et ne s'apercevait pas qu'elle le malmenait, parfois même un peu plus que de raison. À ce moment, aigre et perçante, La voix de Madame de Prailles s'éleva, demandant « Qu'en pense Madame d'Étiol ?» Antoinette se retourna, ne sachant pas si la question s'adressait à elle ou à sa belle-mère. Voyant que la douairière ne répondait pas, elle dit « Moi, ce que je pense de quoi ?» Ce fut Madame de Blainville qui se chargea des explications. « Vous n'étiez pas à la conversation. Eh bien voici, on demande si les tête-à-tête sont choses dangereuses. » « Les tête-à-tête ? Quelles tête-à-tête ? » « Eh mais naturellement, les tête-à-tête d'un jeune homme et d'une jeune femme. » « Ou d'un homme et d'une femme encore jeune. » rectifia Madame de Prailles. La comtesse la regarda. « À la bonne heure, » dit-elle en souriant, « je commence à comprendre mieux. » Elle prévoyait une attaque directe et s'apprêtait à y faire tête. Mais la mère Picon se tut et Madame de Blainville reprit. « Donc, on demande si les tête-à-tête sont dangereux, et si un mari prudent doit les permettre ou les interdire à sa femme. « Ça dépend. »« De quoi ?»« Du mari. »« Tiens !» s'écria la petite Lassolet. « J'aurais cru que ça dépendrait plutôt de la femme. »« Si vous voulez. Mais une femme, est-ce que l'a fait son mari ? Elle n'agit que par ricochet. »« D'où vous concluez ?»« Que si le mari aime sa femme et a su se faire aimer d'elle, il peut autoriser tous les tête-à-tête possibles. Il n'a qu'à gagner à la comparaison. » Si au contraire il n'a pas au sujet de sa femme la conscience tranquille, alors... Alors ? Alors, casse-cou. De sorte, interrogea Madame de Prailles, que si vous, par exemple... Pourquoi parler de moi ? Je dis vous comme, je dirais, une autre. Donc, si une autre avait ou croyait avoir à se plaindre de son mari, le tête-à-tête avec un homme aimable et entreprenant pourrait, à votre avis, causer un malheur ? La comtesse se mit à rire. Oh ! Pourquoi des gros mots ? Un malheur, comme vous y allez ? Un accident, tout au plus ? Vous avez la manche large ? Pas du tout. Mais pourquoi qualifier tragiquement une chose aussi banale et aussi fréquente ? Fréquente, dame ! Je n'y vais pas voir, mais je le crois. Madame de Prailles parut suffoquée. Et dire, s'écria-t-elle d'un air indigné, que votre belle-mère prétend que vous avez du bleu dans l'âme ? Antoinette sourit. Mais oui, j'ai mon petit coin de bleu. « Ah, bien, il est joli, le bleu. Il est comme il est. Il y a du bleu de bien des nuances. Je reconnais que mon bleu d'aujourd'hui est un peu plus foncé que mon bleu d'autrefois. Enfin, c'est du bleu tout de même. » « Si nous revenions à la question du tête-à-tête, » proposa Blainville, « je suis curieux de connaître les idées de ces dames. »« Moi, » s'écria la petite Lassolet, qui tenait avant tout à ménager les susceptibilités de Gaston, « moi, je crois que rien n'est dangereux. » Quand une femme est bien élevée et qu'elle a des principes. Aïe ! Fit M. de Bièvre de sa grosse voix sonore. La petite marquise se retourna, rouge, hérissée. Qu'est-ce que vous dites ? Il répéta, docile, avec une politesse affectée. Je dis aïe, madame. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aïe, cri de douleur qu'on met dans la salade. Récita Bessèche qui avait volontiers la plaisanterie maladroite. Jacques se mit à rire et répondit à Madame de Lassolet. Ça veut dire que quand on laisse tomber quelque chose d'aussi énorme, on prévient, ou alors il ne faut pas s'étonner des exclamations. En quoi ai-je dit quelque chose d'énorme ? Ce n'est pas une raison parce que vous méprisez les femmes et que vous ne croyez à rien pour... Je vous demande pardon. Je crois que les femmes sont des êtres souvent délicieux et quelquefois sublimes. Bah ! S'écria d'Étiol en riant. Tu n'aimes plus les femmes, toi ? Parce que tu les as trop aimés, et que tu les connais trop. » Monsieur de Bièvre eut un mouvement d'humeur. « Allons donc, tu ne sais ce que tu dis. » « Nous revoilà loin du tête-à-tête, » dit Blainville, qui décidément tenait à son idée. « Moi, je suis contre, en principe, mais il est évident que, dans la pratique... »« Oh, vous, » dit Jacques, « vous êtes jaloux, et Madame de Blainville aussi. Votre opinion ne peut pas être impartiale. » « Et moi, » s'écria le comte, « je ne suis pas jaloux, » et je n'ai certes pas une femme jalouse. Mon opinion est impartiale. Eh bien, moi, je dis... Ne dis donc rien, interrompit brusquement M. de Bièvre. Tu vas dire une bêtise. Il venait d'apercevoir Antoinette, qui, souriante et indifférente, semblait à peine entendre ce qui se passait autour d'elle. Mais il avait compris à la rougeur de ses pommettes et au brillant de ses yeux qu'elle attendait anxieusement ce que son mari allait répondre. Bessèche prit la parole. Moi, dit-il, je puis, quoique n'étant pas marié, avoir voix au chapitre, car je suis bien sûr de n'être jamais jaloux. Eh bien, moi, je le serai jaloux, dit lentement Jacques. J'en demande pardon à ceux qui ne sont pas de mon avis, mais je trouve qu'il faut, pour ne pas l'être, une indifférence absolue, une vanité infinie ou une bêtise intense. Si j'aimais, je voudrais que ce que j'aime fût hors de portée, si je puis ainsi dire. Il me semble que les contacts, même les plus corrects, que les regards, même les plus discrets, fanent ce qu'ils touchent, que... Il s'arrêta. Madame d'Étiol, pâle, les yeux luisants, l'écoutait parler, et il se sentait singulièrement troublé de cette attention qu'il n'avait pas prévue. « Que quoi ?» demanda moqueusement Guy. « Voilà que tu restes en route. Ce serait ma foi dommage, car tu t'es bien parti. »« Non, j'allais moi aussi dire des bêtises. »« Tu m'étonnes. » Madame de Prail demanda. « Je voudrais qu'on précisât ce qu'on entend par tête-à-tête. Ainsi peut-on considérer comme tête-à-tête une rencontre dehors ?»« Une promenade en forêt, par exemple ?» dit Antoinette d'une voix claire. Surprise et un peu interloquée, la mère Picon balbutia. « Une promenade en forêt, oui, sans doute, mais pourquoi ?»« Parce que, » répondit Antoinette, que M. de Bièvre regardait avec inquiétude, « je pense qu'en parlant de rencontres dehors, c'est de ça que vous voulez parler. » La douairière aussi regardait sa belle-fille. Elle la trouvait plus nerveuse que de coutume, et elle devinait vaguement que quelque chose la menaçait. La petite de la Soleil demanda fort à propos, « Est-ce que par ce beau temps, on ne va pas fumer dans le parc ?» Le comte vint à elle et lui offrant le bras. « Nous sommes à vos ordres. »« Vous savez, » lui cria M. de Bièvre, tandis qu'elle descendait au bras de Guy l'escalier de la terrasse. « Vous allez pouvoir avoir peur tant que vous voudrez. C'est plein de crapauds à cette heure-ci, le parc. » Et s'approchant de Madame d'Étiol, qui venait de s'asseoir dans un des grands fauteuils de bambou où elle se balançait au milieu des lauriers roses et des grenadiers fleuris, qu'éclairaient doucement les hautes lampes du salon, il demanda « Venez-vous vous promener ou restez-vous là ?»« Je reste là. » Il mourait d'envie de s'asseoir à côté d'elle, de la forcer à parler, de chasser les idées qui s'agitaient dans sa pauvre tête meurtrie, mais il n'osa pas. Et la quittant brusquement, il rejoignit les fumeurs au bas de la terrasse. Antoinette resta seule, écoutant les pas qui s'éloignaient et les voix de sa belle-mère et de Madame de Prail qui causaient dans le salon. À travers la nuit, elle distinguait la robe rose de la petite marquise, qui faisait une tache claire sur le feuillage noir des marronniers. Et bientôt, la tache claire disparut, s'enfonçant dans les allées, tandis que les petits points lumineux des cigares continuaient à aller y venir, se croisant sous les arbres du quinconce. Alors, elle pensa que Guy était seul avec Madame de la Soleil dans la nuit chaude, loin d'elle, l'oubliant tandis qu'elle rêvait à lui. Et elle se dit, rageuse et mauvaise pour la première fois, « Je suis trop bête. » Et une sorte de colère la prenait à l'idée de subir sans plainte et sans vengeance toutes ces douloureuses piqûres, tous ces petits chagrins incessamment renouvelés. Certes, elle en voulait à son mari de ne pas l'aimer assez, mais elle s'en voulait surtout à elle-même de l'aimer trop, de l'aimer ridiculement, d'une façon bourgeoise et rococo. Pourquoi ne faisait-elle pas, comme toutes les femmes, allait-elle jouer les résignées ainsi éternellement? Elle était lasse à la fin de cette continuelle dissimulation, mais trop orgueilleuse pour avouer ses craintes. Et d'ailleurs, avouer, à quoi bon avouer? Guy ne la comprendrait pas. Il l'aimait, et il lui était, dans le sens strict du mot, absolument fidèle. Que pouvait-elle vouloir de plus? Et longtemps, elle rêva dans son coin sombre, sans même voir les promeneurs qui passaient sur la terrasse revenant au château. Ce ne fut qu'en sentant tomber sur ses épaules nues l'air humide de la nuit qu'elle se décida à rentrer. Elle s'arrêta au seuil de la porte du salon, éblouie par la lumière, ahurie par les cris qui saluaient son entrée. « La voilà! Elle est retrouvée !»« Voyez bien qu'elle n'était pas allée se coucher. »« Dame, je le croyais. »« Mais du tout, » dit moqueusement Madame de Prail. « Madame d'Étiol nous avait simplement abandonnés pour faire une petite fugue dans son bleu. » Surprise de ce ton presque impertinent, la douairière allait répondre, mais Antoinette ne lui en laissa pas le temps. S'installant dans un fauteuil, elle allongea ses petits pieds, tapota sa robe, et regardant la mère Picon un peu embarrassée, elle dit lentement d'une voix gouailleuse et coupante, « Oui, et pour résister, il faut qu'il soit rudement bon teint, hein, mon bleu ?»